Montre-moi toute l'étendue de tes connaissances. Fais-moi partager ton savoir avec tes travaux pratiques à chaque séance. À l'école de l'amour, je n'ai pas eu de chance. J'aurais besoin de quelques cours du soir. On peut même rester tard le dimanche. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Enseigne-moi l'art de t'en toucher. J'ai besoin de leçons particulières. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Enseigne-moi l'art de t'en toucher et tout ton savoir-faire. Dis-moi comment gommer une à une mes faiblesses. J'apprendrai vite et tu verras qu'un jour l'élève dépassera la maîtresse. J'aurai besoin pour cela de ton savoir-faire. Montre-moi comment combler mes lacunes. J'ai manqué la leçon sur la tendresse. Moi envie ou vine complétez-moi. Il y a dans chacun de tes gestes quelque chose de secret. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Enseigne-moi l'art de t'en toucher. J'ai besoin de leçons particulières. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Enseigne-moi l'art de t'en toucher et tout ton savoir-faire. Me mettre à l'épreuve et tu verras que sans tricher, sans anti-sèche, j'appliquerai les règles que tu as fixées. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Enseigne-moi l'art de t'en toucher. J'ai besoin de leçons particulières. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Enseigne-moi l'art de t'en toucher et tout ton savoir-faire. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Oh oh, j'ai besoin de leçons particulières. Apprends-moi à t'aimer, même si je dois me mettre en danger. Enseigne-moi l'art de t'en toucher. J'ai besoin de